Deuxième livre des Chroniques, chapitre 21. Puis Josaphat s'endormit avec ses pères, et fut enseveli avec eux en la cité de David, et Joram son fils régna en sa place. Il eut des frères fils de Josaphat, savoir Azaria, Jehiel, Zacharie, Azaria, Michael, et Sephatia, tous ceux-là furent fils de Josaphat, roi d'Israël. Or leur père leur avait fait de grands dons d'argent, d'or, et de choses exquises, avec des villes fortes en Juda, mais il avait donné le royaume à Joram, parce qu'il était l'aîné. Et Joram étant élevé sur le royaume de son père, se fortifia, et tua avec l'épée tous ses frères, et quelques-uns des principaux d'Israël. Joram était âgé de 32 ans quand il commença à régner, et il régna 8 ans à Jérusalem. Et il suivit le train des rois d'Israël, comme avait fait la maison d'Achab, car la fille d'Achab était sa femme, de sorte qu'il fit ce qui est déplaisant à l'Éternel. Toutefois l'Éternel ne voulut point détruire la maison de David, à cause de l'alliance qu'il avait traitée avec David, et selon ce qu'il avait dit, qu'il lui donnerait une lampe, à lui et à ses fils à toujours. De son temps ceux d'Édom se révoltèrent de l'obéissance de Juda, et établirent un roi sur eux. C'est pourquoi Joram marcha vers Tsaïr avec ses capitaines, et tous les chariots qu'il avait, et s'étant levé de nuit il battit les Iduméens qui étaient autour de lui, et tous les gouverneurs des chariots. Néanmoins les Iduméens se révoltèrent de l'obéissance de Juda, jusqu'à ce jour. En ce même temps Libna se révolta de l'obéissance de Joram, parce qu'il avait abandonné l'Éternel le Dieu de ses pères. Il fit aussi des hauts lieux dans les montagnes de Juda, et fit paillarder les habitants de Jérusalem, et il y poussa aussi Juda. Alors on lui apporta un écrit de la part d'Élie le prophète, disant, « Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu de David ton père, parce que tu n'as point suivi la voie de Josaphat ton père, ni la voie d'Asa roi de Juda, mais que tu as suivi le train des rois d'Israël, et que tu as fait paillarder ceux de Juda, et les habitants de Jérusalem, comme la maison d'Achab a fait paillarder Israël, et même que tu as tué tes frères. La famille de ton père, qui était meilleure que toi, voici, l'Éternel s'en va frapper de grandes plaies ton peuple, tes enfants, tes femmes, et tous tes troupeaux. Et tu auras de grosses maladies, une maladie d'entrailles, jusque-là que tes entrailles sortiront par la force de la maladie, qui durera 2 ans. L'Éternel souleva donc contre Joram l'esprit des Philistins, et des Arabes qui habitent près des Éthiopiens, lesquels montèrent contre Juda, et se jetèrent sur tout le pays, et pillèrent toutes les richesses qui furent trouvées dans la maison du roi, et même ils emmenèrent captifs ses enfants et ses femmes, de sorte qu'il ne lui demeura aucun fils, sinon Jéhoachaz, le plus petit de ses enfants. Et après toutes ces choses l'Éternel, le frappa dans ses entrailles d'une maladie incurable. Et il arriva qu'un jour s'écoulant après l'autre, et comme le temps de 2 ans vint à expirer, ses entrailles sortirent par la force de la maladie, ainsi il mourut avec de grandes douleurs, et le peuple ne fit point brûler sur lui de choses aromatiques, comme on avait fait sur ses pères. Il était âgé de 32 ans quand il commença à régner, et il régna 8 ans à Jérusalem, il s'en alla sans être regretté, et on l'ensevelit en la cité de David, mais non pas au sépulcre des rois.